Tout va très bien. Est-ce que tout va bien, monsieur Gallet? Pas mal, merci. À part mon fils. Il est très difficile. Et comment va votre fille? Oh, très bien, merci. À part son mari. Et votre mère? Pas mal. À part ses rhumatismes. Alors, tout va bien. Oui, très bien, merci.